Linda et Vampire qui sont là et qui sont contents de notre retour sur le 3615 Code Fun Radio Rubrique Direct. Laurent, donc 26 ans d'Arcachon, tu voulais justement réagir à l'anecdote, c'est la brève que Gaël m'a récupéré dans la presse. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, je suis un petit peu de retard là-dessus, j'avoue. Il y a déjà une semaine. Mais je suis en retard. Même si c'est déjà sorti, vous connaissiez, je voulais de toute façon en parler, c'est quand même hallucinant. Sachez qu'un habitant en Pologne a fait. Vous savez combien de grammes, toi, si tu le sais, tu ne dis rien, à votre avis. Fildar, Manu, il y a Gérard qui vient d'arriver. Combien de grammes d'alcool avait ce Polonais dans le sang? 4 grammes d'alcool. Attends, déjà 4 grammes, t'es bien. Hein. Ouais, 4 grammes. Alors, plus. On va accueillir également Nico qui doit être là, 26 ans de Reims. Salut Nico. Salut. Salut Nico. À ton avis, combien de grammes d'alcool avait ce Polonais? Il avait 5-8. 5-8. Rigo. 7. Parce que vous êtes là à réfléchir pendant 50 ans pour me donner un chiffre, il faut que ça prenne 2 secondes. Moi, je le sais, donc je vais pas le dire. Ah, tu vas j'ai pas le dire. 7. 7, d'accord, ça j'ai compris. Gérard? 6. Nicolas, tu dis combien? T'as dit combien, Nico? J'avais dit 5-8. Alors sur l'internet, il propose quoi bah, éventuellement on me dit 6,11, 21, 12. 12, ouais, il avait 9,8. Wow. Oh là là là là. 9,8 de grammes d'alcool dans le ventre. Il faut savoir que déjà à 5 grammes d'alcool, c'est déjà mortel. Voilà, ouais. Bah, c'est, le c'est mortel. Non, tu m'as pas compris. C'est mortel dans le sens, c'est d'enfer. C'est le top. Attends, c'est mortel. Non! C'est mortel dans le sens, c'est mortel, c'est d'enfer. C'est-à-dire que là, t'es bien. Ça, c'est de la bombe. T'es là, t'es bien. T'as 5 grammes, c'est tip-top de chez tip. Non, 5 grammes, c'est mortel dans le sens, effectivement, c'est hallucinant. Laurent, est-ce que c'est déjà arrivé de prendre des cuites? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait mesurer ton centre de grammes par la gendarmerie de police? Ouais, ça a déjà arrivé, ouais. Combien de grammes d'alcool, s'il te plaît, je veux te l'entendre dire, Laurent, pour que t'aies la honte sur toi. Vas-y. 2,6 grammes. On a un alcoolo à l'antenne. Attends, Max, je suis un routier. Ah oui, excuse-moi, ouais, donc alcoolique, excuse-moi. Mais tu m'aurais dit tout de suite que t'étais routier, je t'aurais dit, bon, effectivement, alcoolo, Gérard, qu'est-ce que. Non, attends, Laurent, 2,6 grammes, tu peux pas conduire. Non, mais tu peux. Mais tu peux très bien sans demander l'autorisation, Gérard, quand t'es en boîte. Le taux d'alcoolémie, c'est à 0,5 grammes. Non, mais sans Gérard, sois pas idiot. Quand t'es en discothèque, combien de gens ont bu, ils demandent pas l'autorisation, ils rentrent. Moi, combien de fois, à l'époque, je buvais, j'étais déchiré, je rentrais avec 15 grammes. Ouais, mais il reprend pas le volant de son camion. Je revenais avec 36 grammes. On parle de touch, on parlait de. Non, je déconne. Non, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir bu un peu. Je savais très bien que j'étais au-dessus du seuil. Ça n'empêche pas que tu rentres avec la voiture. Ce que je ne conseille pas de faire, là. Quand tu prends une émission de radio, tu peux boire. Ah, c'est sûr. Ça, c'est on n'a pas dit. J'ai pas dit que Gérard était en Pologne, d'accord. J'ai dit que simplement, quoi. Non, mais faut faire gaffe. Mais par exemple, tu vois, là, mon coloc Mickey, ce week-end. Attention, Vlad l'exclu, Laurent Nicolas. On va parler du coloc Mickey, donc, parce qu'on vous rappelle Mr. Gay Pride, quand même, qui. Voilà. On connaît le prénom de son maître, maintenant c'est Mickey. Ok. Il avait 0,68. D'accord. Dans le sang. Rien, parce que les flics l'avaient arrêté pour alcootest. Tu veux juste mini après? Non, j'ai juste pas de Mickey, non. D'accord. Et en fait, ils l'ont arrêté, ils lui ont dit vous pouvez partir. Alors qu'en fait, il avait plus que la normale autorisée. Ouais. Mais bon, comme il aime bien ouvrir sa gueule, il l'a ouvert un peu et donc il a quand même fini la. Évidemment. Au même titre que moi, quand je me suis fait arrêter cet été avec l'alcool, mais comme con, on peut ruser sur la loi. Moi, je me suis fait arrêter à plus de 150 sur l'autoroute et les gendarmes, c'était plus de la prévention. Ils m'ont dit très gentiment, vous êtes en train de dépasser la vitesse. Faut faire attention, jeune homme. Vous êtes 6 dans une voiture pour 2. Et vous n'avez que 2 euros, alors qu'il en faudrait 4. Enfin, quand j'étais sur une moto, on était 8. Quoi. Enfin, bref, l'histoire est là. Non, mais toi, Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette histoire du Polonais, quand même? Ouais, le Polonais, il est balèze, quand même. Non, il est. Il faut être défoncé, tu es défoncé. Hein, parce moi, que là. Moi, je vais répondre à Gérard. Non, mais je conduis pas. Quand j'ai bu, je conduis pas avec le camion. Quoi. Exactement, mais Gérard a mal interprété. Gérard prend tout très souvent au premier degré. C'est pas parce qu'il est camionneur et qu'il dit qu'il boit que ça veut dire qu'il boit quand il conduit. C'est-à-dire que c'est un routier de profession. Mais que ça lui arrive de boire comme moi. Je veux dire, je suis un animateur qui boit. Je bois. Non, on peut pas prendre une émission quand on a bu. Je veux dire, non, je suis animateur radio, mais voilà, je vraiment, bois. Ça s'entend de toute façon. En dehors. Bah, quand même. Quand t'as la loco, quoi. Bah, par exemple, exactement. Je suis un gros alcoolique, tout le monde le sait. Laurent. Tout à fait. Merci de cette précision très importante. Tous les matins. Merci beaucoup, Laurent. On s'en branle. Nicolas également voulait parler d'autres. d'autres choses, mais Laurent va rester un petit peu avec nous. Nicolas, je t'écoute. Ouais, ben moi je voulais parler de la FNAC de Reims. Parce que la FNAC de Reims, ouais. Moi j'habite à Reims. Oui. Et là je voulais pousser un énorme coup de gueule. Ah bah moi je fais le Virgin. Moi après je fais le Virgin Megastore. Alors comme ça on va se faire des amis parce que moi j'ai un coup de gueule à passer contre le Virgin. Ah bah là moi de toute façon je vais me faire allumer demain, c'est clair. Non, pourquoi tu travailles à la FNAC ? Non non, je travaille pas à la FNAC. D'accord. Je fais un peu de sono comme ça en amateur le week-end. Mm-hmm. J'aime beaucoup la musique. Et les vendeurs à la FNAC, il y a pas plus que ça à Reims comme magasin de façon. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as quelque chose contre... Les vendeurs, si tu veux, t'as l'impression qu'ils ont deux grappes quand t'arrives là-bas. Ils... Ah bon ? Ah ouais, non mais ils connaissent rien. Enfin, ah bon ? Chaque fois que tu vas demander un renseignement, t'as l'impression que tu les emmerdes. Bah, ça, c'est un peu le problème des grandes surfaces de lits, c'est qu'à la fin, les pauvres, ils sont submergés de clients, donc ils veulent travailler dans des trucs comme ça. Et puis finalement, à la fin, c'est vrai que la moitié, enfin pas la moitié, j'exagère, mais il y a une petite partie quand même de vendeurs qui connaissent pas grand-chose dans leurs trucs. Et quand ils sont connaisseurs dans leur style de musique, il faut que tu arrives absolument avec des références, faut que tu sois implacable. Faut que tu sois intouchable. Presque tu demandes un renseignement, mais ce renseignement, tu le connais toi-même. C'est-à-dire que si tu vas arriver dans le milieu techno ou house ou ou même rap, si t'es pas déjà un connaisseur, tu dis voilà, j'ai entendu un truc à la radio, machin, que tu sais pas trop. Là, le mec généralement, c'est un connaisseur de son truc, plutôt que d'être ouvert et te sourire, dire bah écoutez, on va essayer de trouver ensemble ce que vous cherchez. Si déjà t'as pas un minimum de renseignements et que tu lui dis pas voilà, c'est de la house beat techno, là le mec il t'envoie un petit peu bouler, il te dit non, ça doit être ça, je sais pas, non. Chercher, je vois pas ce que vous voulez dire, dès que vous aurez les plus amples renseignements. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Bah tiens, un dernier exemple en date, c'était lundi, j'ai entendu un truc, bah tiens, sur Fun, le remix de U2, là. Ouais, exact, ouais. Techno. Ouais, je dis, ah ouais, genre... Bacon Paper, c'est ça? Bacon avec Paper, Free. C'est ça, ouais, c'est pas le titre. Eh bah, ben, B-A-C-O-N, un peu comme con, sauf que tu mets bas devant. Ouais, voilà. Bacon. Paper comme Red Hot. Sauf que c'est du bacon, voilà, bacon, et puis Paper, P-E-2-P-E-R, et puis Free, hein, sur, c'est libre, c'est... Et le gars, il me dit, ouais, bah, y a pas de problème, moi, j'ai entendu ça à la radio, mais non, ça m'intéresse pas, de toute façon, puis je sais pas ce que c'est. Eh bah, ben, c'est un blaireau. Eh bah, ben, c'est un blaireau. C'est, alors, c'est aussi pire que quand moi, je vais, là, je suis obligé de taper un petit peu au Virgin, alors que bon, je vais tout le temps là-bas, mais c'est pour donner un exemple quand même assez frappant d'une grosse machine comme celle-ci. Je vais dans le New Age, je veux dire, comme par hasard, je monte les escaliers, je tape tout de suite sur la gauche, j'y vais, et je vois la vendeuse et je lui dis bonjour, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'aider pour m'indiquer quelques artistes concernant la New Age. Elle me dit non, il est pas là. Je dis reviens quand? Je crois qu'il était parti bouffer. Ah mais il revient dans une semaine, il est en vacances. Je te jure, texto, je te jure, c'est la tête de ma mère. Et je lui dis mais attendez, vous moquez de moi. Vous savez qui je suis Master System, quand même, musique des nuits, ça t'évoque un truc? Alors, elle me dit non, j'en ai rien à branler de ta gueule, si t'es pas content, j'appelle la sécu, on te pète les dents sur les marches de marbre. non, mais je lui dis, reviens dans une semaine, je dis non, vous plaisantez, il y a bien quelqu'un qui remplace pendant cette semaine. D'accord, ok, elle me dit non, il y a personne. Ah ouais, bah ouais, bah, normal. Non, parce que. En fait, ils font des roulements avec la FNAC. Hein. Non, mais il y a personne, c'est-à-dire que pendant une semaine, il n'y avait pas quelqu'un pour renseigner. Non, mais là, non, bah c'est. Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas capable. C'est des incapables. Gérard, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, personnellement, toi, t'as dans le bac à Johnny. Y a pas le renseignement pour Johnny. S'il y a pas le renseignement pour Johnny, moi, je vais au Stade de France et je mets le feu. Gérard, qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement, de ton côté? Moi, personnellement, si je vois qu'il y a personne, je m'arrache, c'est tout. Je repars sans rien. Ah, bravo. Voilà, en gros, si tu peux pas trouver ton disque que tu veux, ben tu l'achètes pas et tu repars sans. Et ça, je veux dire, il y a que Gérard qui pouvait le savoir. Ouais. Laurent, je te remercie. Nicolas, le coup de gueule contre la FNAC de Reims. Ceci dit, bon, on va pas non plus cracher dans la soupe. Hein, parce que les FNAC et Virgin, en règle générale, sont quand même très bien fournis, c'est quand même bien foutu. Mais c'est vrai que des fois, il y a des brebis galeuses dans les vendeurs. Il y en a qui sont quand même assez abattus d'avance. Hein. C'est-à-dire que quand ils voient le client arriver, plutôt que d'être joyeux, c'est vrai que c'est des grosses machines et qu'ils en voient placer plein avec souvent des gens qui ne connaissent pas. Bonjour, j'aimerais le disque. La la la la la la la la la la. C'est lequel celui-là? Et celui-là aussi. Bon. Mais ouais, mais comment ils ont atterri là, quoi? Bah, il faut jouer avec le client. Il faut le prendre comme si c'était un ballon et puis voilà, c'est tout. Il faut s'amuser avec le client. Laurent, je te remercie en tous les cas de ton appel et pour cette réaction concernant l'alcoolisme. Et Nicolas, bon bah, on va essayer de à ce que ça se passe mieux dans les FNAC et les Virgin de France. On va tâcher à ce que les animateurs radio de toutes radios confondues donne systématiquement tous les noms des artistes et des groupes et des maisons de disques et de qui l'a écrit et à qui vont les royalties. Exactement. Voilà. Et sinon, Max, avant de partir, le décalage horaire, ça va? Ça te fait pas bizarre? Ah non, le décalage horaire, tu parles de par rapport au matin au soir? Ah ouais. Non, ça va, tu sais, j'ai pas fait suffisamment de longueur le matin pour être déstabilisé. Hein. Ah ouais. Non, j'ai perdu pas mal au niveau des oreilles. J'ai perdu pas mal au niveau de la voix. J'ai eu quelques petits problèmes de santé qui étaient normaux, hein, qui étaient prévus par ma direction, donc ils m'avaient prévenu d'office. Et j'ai pas été déçu de ce qu'ils m'ont dit, parce qu'effectivement j'ai quand même bien morflé, mais ça va, là je suis plutôt content, on va dire. D'accord ? Ouais. C'est n'importe nawak. Bonne bourre à toi, amuse-toi bien. Ouais, merci toi aussi. Dans un instant, ça sera Alicia, 22 ans de Nantes, pour le premier conseil de Gérard et Sandy. Bonjour Alicia. Salut Mac. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah plutôt pas mal. Dans un instant, nous parlerons ensemble donc avec Gérard et Sandy. Quel sera le conseil que tu leur demanderas ? Ah, je voudrais acquérir une voiture. Ah, tu veux t'acheter une voiture ? Des conseils de Gérard et Sandy, c'est dans un instant sur Fun Radio. Stardust, spécial dédicace pour Christian, la 16-5 roues. Quand est-ce que tu m'envoies mon petit Stardust sur Fun Radio ? Music Sound, Beda with you. C'est plutôt cool et c'est bon esprit ce soir. C'est le 0800 70 5000. Vous nous appelez, le numéro est gratuit. Les enfants, faites-moi péter le standard de cette soirée, s'il vous plaît. On a besoin de toi. De toi. Allez, 0800 70 5000. Le Star System est de retour de 22h jusque tard dans la nuit. Profites-en, baby. Sur Fun Radio, Music Sound, Better With You, rectification. On sent qu'on est revenu dans la cour des grands. Il y a Seb, 17 ans, département 75, sur le 3615 Code Fun Radio, qui dit Max, tu n'es qu'un con. Bah, je vois qu'on est revenu à la maison. C'est pas Bacon Pepper, comme tu l'as dit tout à l'heure, Free, mais c'est Bacon Popper, P-O-2-P-E-R. Bacon Popper, le titre que tout à l'heure vous vouliez. Voilà, vous l'avez, 22h38. Les cons. conseils de Gégé et Sandy. Gérard et Sandy qui sont là. Et voilà, donc 22h38, bonsoir à tous. Et donc on va accueillir, bonsoir Bibi. J'aurais pu lui faire bonsoir, un coffee quand même. Bonsoir aux deux guignols du standard. Et bonsoir à Rigo sur internet. Et voilà. Bien sûr, bonsoir à toi le Star System. Bonsoir Olivier. Voilà, les bonsoirs, on va dire bonsoir aux gens parce que sinon... Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent derrière leur poste. Oh. Donc on accueille... Vous auriez pu lui faire une feuille comme... Merci. Non mais vous faites bien votre boulot, ça se voit que c'est la rentrée, vous faites bien votre boulot, c'est pas grave. Donc on accueille Alexia. Alicia, du coup, alors. Alicia, 22 ans. Alicia. D'où ? De Nantes, 22 ans. Donc, fréquence sur Nantes, s'il vous plaît, derrière. Bien sûr, vous faites pas. Ouais, c'est ça. Quand vous me prenez des fiches, on verra. C'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Donc, bonsoir, Alicia. Bonsoir, Sandy. Donc tu veux acheter une voiture. Ah ouais, là elle veut acheter une voiture. Donc les conseils de Gérard et Sandy, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on faisait le matin, c'est-à-dire que ils vous proposent tous les mardis, si vous avez un souci personnel, financière, humaine, même matériel, ce qui est le cas là d'Alicia, d'essayer de résoudre vos problèmes, en tout cas d'essayer d'y apporter quelques solutions. Alors donc tu veux t'acheter une voiture, Alicia? En fait, je voudrais louer une voiture. Déjà, c'était pas le thème qu'on avait annoncé déjà hier. C'était acheter une voiture. Donc au standard, qu'est-ce que vous m'avez choisi? Elle nous a dit ça. Elle nous a dit acheter. Non, une c'était voiture. Non. Mais là, maintenant, elle nous dit louer une voiture. Donc c'est pas pareil. Déjà, moi, je vais te demander, est-ce que tu... Gérard, en fait, je voudrais louer une voiture pour aller acheter une voiture. Ah non, mais alors, dans ça ce cas-là... C'est dans cet ordre-là. Ah oui, d'accord, c'est qu'elle veut acheter une voiture, elle sait qu'elle veut acheter une voiture chez un concessionnaire, ne sachant pas aller jusqu'au concessionnaire, elle ne sait pas comment y aller, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, peut-être à Nantes. Voilà. Donc, elle veut louer une voiture pour aller acheter sa voiture. Voilà. Oh là. Mais tu connais quelqu'un qui peut t'amener en voiture ou... Mais non, justement, non, mais je t'explique, c'est que j'ai mon permis depuis 3 ans. Ouais. Et j'ai jamais conduit depuis. Donc en fait, pour m'entraîner, je préférerais louer une bagnole si je dois la casser, autant que ce soit pas la mienne, pour aller en acheter une, pour m'entraîner un peu, quoi. Non, mais je pense que là, si tu loues une voiture, si c'est pour la casser, c'est même pas la peine d'en acheter une. Non, c'est pas dans le but de la casser, c'est dans le but d'aller en acheter une autre. Mais bon, si je me plante parce que j'ai pas conduit depuis 3 ans, je préfère que ce soit pas la mienne. Est-ce que t'as encore le A? Non, j'ai mon permis depuis 3 ans. Non, alors oui, alors t'es pas tombé, alors. Donc le A, pour toi, il ne te sert plus à rien. Non, le A ne sert plus à rien. Donc, d'accord. Gérard, au lieu de lui poser des questions, il faut lui donner des conseils, c'est pas les débats. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Bon, on va laisser tomber la location de la voiture, bon, jusqu'à se débrouillera, elle appellera voiture ZR et puis elle trouvera un truc. D'accord. Elle veut acheter une voiture. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'il faut conseiller à des gens pour acheter une voiture? Qu'est-ce qu'il faut regarder tout de suite sur une voiture en dehors du prix? C'est rapport qualité-prix, comment tu t'y prends, Gérard? Quels conseils? Disons, tu vas chez le concessionnaire, tu regardes déjà l'intérieur de la voiture. Pour savoir ce que tu veux, ça dépend. Bien sûr, on va pas préciser les marques, mais t'as certaines voitures qui sont bien. Même dans les journaux, tu peux essayer de voir si tu peux essayer d'avoir une voiture pas chère. Ouais, non, mais je veux d'abord voir l'intérieur, parce que je suis les conseils de Gérard. Donc, intérieur plutôt en cuir. Pas spécialement cuir. Hein. Faut pas quand même essayer de se la jouer directeur. Oui. Parce que là, cuir, c'est carrément pour moi, c'est se la jouer directeur. Oui, on serait cul aussi, parce que quand on dit tu es cul, c'est sado. Hein, je veux dire, généralement, les patrons aiment bien donner des ordres, donc c'est un côté sado-baso, quoi. Ouais, mais même cuir, ça fait un peu quand même... Ça fait un peu riche, quand même. Ouais, ça fait riche. Gérard, j'ai une question, hein. Mais tu dis en cuir, mais normalement, les voitures, c'est pas en tôle. L'intérieur, abruti. Ah, pardon. Excuse-moi, j'avais pas entendu. D'accord. Alors donne des conseils, Gérard, pour les gens qui écoutent là. Non, ça dépend de la couleur. Qu'est-ce que t'aimes comme couleur, déjà, pour commencer? J'adore le rouge. Moi, ouais, rouge. Le noir. Rouge et noir, d'accord. Ça fait la chanson de Jeanne Masse pour. Ça n'a aucun rapport, donne des conseils. Aucun conseil, vous dites que des conneries. Non, mais moi je pense qu'elle devrait se faire. Moi j'écoute là, je suis auditeur, vous me donnez aucun conseil pour acheter une voiture. Tout naze. C'est tout naze. Rigo, excusez-moi. Mais même dans les journaux. De voir sur internet. On va faire un blanc, on va essayer de se concentrer. Bon, alors, déjà, tu veux intérieur cuir? Bon, à part ça, bon, alors. Donc intérieur cuir, c'est pas évident de trouver à l'heure actuelle. Mais quelle marque tu veux comme voiture exactement? Allô? Allez, Alicia. Oui. Alicia. Tu veux quoi exactement comme marque de voiture? Ça m'est égal en fait. Ouais, bah. Oh. Tu veux une grande ou une petite voiture? Non, je veux une voiture moyenne, genre 306, des choses comme ça. Tu veux mettre combien? 300, 500 000 francs? Ouais, à peu près. Non, bah alors, 300 à 500 000 francs. Alors là, autant que tu prennes une voiture d'occasion et là, tu peux la casser. Mais est-ce parce que à moins de, à moins de 500 000 balles, tu ne l'auras pas. Mais est-ce que tu as l'argent pour l'acheter ? Non, mais bien sûr, j'ai l'argent, mais. Non, mais 500 000 francs, tu n'achètes pas une bagnole neuve, je suis désolé. Non, déjà, tu disposes de. Un bas de gamme ? Non. 22 ans, tu fais quoi comme boulot ? Ça coûte combien une Clio aujourd'hui ? Genre 700, 800 000 francs ? Faut compter à peu près une Clio, faut compter entre 79 000 à 80 000 francs. Ah bah alors à 500 000 francs, t'as rien, alors, je veux dire. C'est impossible. Tu fais quoi comme boulot ? Je travaille dans une boulangerie. Ah ouais, tes revenus sont de combien, sans indiscrétion ? Si, c'est indiscret, donc. Ah bah oui, voilà. C'est entre 5 et 10. Je peux pas répondre. Entre 5 000 et 10 000 francs. Voilà. Ouais, ben je pense que autant que t'essayes de voir dans les journaux et de trouver une voiture. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Tu peux essayer de trouver moins cher dans les journaux une petite voiture autre. Voiture électrique, c'est petit, mais ça coûte cher. Ouais, mais voiture électrique, c'est de la merde, ça avance pas. Ça, c'est vrai. Je te conseille pas non plus les voitures sans permis. Ben, voiture sans permis, voiture électrique, c'est à peu près pareil. Hein. Alors. En tant qu'auditeur, maintenant, moi, personnellement, je me dis, tiens, maintenant, j'en sais un peu plus grâce à Gérard et Sandy, je veux m'acheter une voiture, maintenant, je sais à peu près quel ordre de prix. techniquement, ça coûte combien une voiture en synthèse ? En gros, bon, ben, si tu la prends neuve avec toutes les garanties, tous les frais de dossier, faut bien dire qu'il y a des sociétés de crédit là-dessus. Donc, les sociétés de crédit prennent leur part. Donc la voiture, s'il n'y a pas 79 000 avec les frais de crédit, tout ça, tu vas en avoir pour 90 000. Grosso modo, hein. Grosso modo, 90 000 francs. Maintenant, savoir si... En plus ? Ah ben, en tout, avec les frais de crédit, si ton crédit est accepté, il n'y a pas de problème. La voiture, tu l'as au bout de 8-15 jours. Ouais. Donc, t'as 15 jours de délai à attendre facilement que le temps que tous les papiers se fassent et tout, que les sociétés de crédit acceptent. Sinon, si c'est pas accepté, ben le mieux c'est que t'achètes une voiture d'occasion. Mais moi je dis. Mais pas en dessous de 500 000, Alicia. Voilà, on est très speed, donc on est obligé de se stopper là. Okay. J'espère que les renseignements que t'auront donné Gérard et Sandy t'aideront à acheter très rapidement ta nouvelle voiture. Non, bah écoute, c'était ridicule. Moi je vais m'acheter un vélo parce que j'ai rien à faire. Bah alors elle dégage. Allez. Bah voilà. C'est les vacances. Alors pourquoi t'as appelé alors ? On n'a pas le temps de lui poser des questions, je l'ai enlevé, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu voulais dire Gérard, juste dans ces cas-là, ça ne sert à rien qu'elle appelle. Hein. Alors au standard, vous faites votre boulot comme il faut, moi la feuille c'est pareil. Bonne nuit. Voilà. Alors, le deuxième, c'est même pas la peine de le faire, on arrête là. Ah non, on commence pas. Non, mais on commence la semaine. Hier, c'était à peu près bien. Potable. Aujourd'hui, le premier conseil est foire. Donc, si le deuxième sur la collection foire, c'est pas la peine. Oui, mais les gens, ils appellent sur des conseils, ils sont pas obligés d'appeler sur la collection s'ils ont d'autres conseils. Si vous voulez avoir des conseils pour Gérard et Sandy, rendez-vous dans moins d'une heure à 23h30 pour un autre conseil de Gérard et Sandy qui vont rester là. On va essayer de dealer pour qu'il reste. Mélanie, dans un instant, 18 ans d'Ajaccio, elle voudrait savoir si son mec, avec qui elle est depuis 3 semaines, qui est terriblement jaloux, ne l'est pas. Enfin, reste fidèle parce qu'apparemment, ça commence à chier un petit peu dans la colle dans ce couple. Et dans un instant, sur Fun Radio, vous aurez le droit à ceci. Reds Against the Machine avec Killing in the Name sur Fun Radio. Écoutez bien ceci. 0870 5000. Eh oui. C'est le Star System avec Max sur Fun Radio. A tout de suite les enfants. Écoutez Fun Radio. Et vous allez comprendre que Courtney Love n'est pas seulement la femme de Kurt Cobain. La semaine à partir de 16h. Jouez sur Fun Radio et décollez pour Los Angeles, retrouvez au